pardon pour mon retard et je vais immédiatement donner la parole à Vincent Chanson que je ne connais pas mais qui est de chez nous. C'est ça. Donc vous avez tout mon encouragement et mon affection. Allez-y. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de me permettre d'intervenir ici. Donc je préciserai aussi je ne suis pas du tout spécialiste de Sartre. Hein, mon intervention qui s'appelle Dialectique et rationalité émancipatrice, Sartre, Lukács, Adorno. En fait, je vais essayer de proposer un dialogue entre Sartre et Adorno à partir d'une tradition théorique inaugurée par le Lukács d'histoire et conscience de classe, donc le Lukács de 1923. Donc voilà en fait le cadre général de mon propos, et un titre qui pouvait être trompeur parce que je rentrerai finalement assez peu, je les évoquerai mais assez rapidement, de tous les débats qui ont opposé Lukács et Sartre, ou les débats qui ont pu opposer Lukács et Adorno, etc. Voilà. Donc mon intervention portera sur une thématique centrale de ce qu'il est convenu d'appeler, à la suite de Maurice Merleau-Ponty et d'autres comme Perry Anderson, le marxisme occidental. Donc, une thématique qui est celle du statut d'une rationalité dialectique, entendue ici comme rationalité émancipatrice. Si l'on entend par marxisme occidental une forme particulièrement hegelianisée de marxisme, en rupture avec celui mécaniste de la Seconde Internationale qui insiste sur la nécessaire autoréflexion d'une rationalité dialectique et au sein de laquelle les thématiques de l'aliénation, de la réification, des médiations, de la totalité et totalisation tiennent une place de choix, alors les trois auteurs retenus ici représentent tous à leur manière une variante particulièrement caractéristique de cette tradition théorique. Lukács, évidemment, en tant qu'il est considéré comme le père fondateur de cette tradition. Donc rappelons que c'est avec Histoire et conscience de classe en 1923 que l'on fait habituellement débuter ce marxisme dit occidental, et en ce que son œuvre ultérieure se déploiera sous la bannière d'une confrontation continuée et interne avec le marxisme. Adorno, sûrement d'une manière plus oblique et moins évidente, dans la mesure où la dialectique négative doit à notre avis être envisagée comme une méditation très profonde sur le statut problématique d'une rationalité émancipatrice. Enfin Sartre, avec sa critique de la raison dialectique, qui constitue une monumentale tentative de reconstruction d'un savoir totalisant ayant le marxisme comme horizon indépassable, c'est-à-dire qu'il tente d'appréhender une pensée dialectique enfin consciente d'elle-même historiquement, en adoptant une perspective résolument critique qui interroge les conditions de validité de l'exercice de la raison dialectique, un peu à la manière, là c'est Sartre qui le rappelle au début de Question de méthode, un peu à la manière dont la raison analytique avait dû, à la fin du XVIIIe siècle, prouver sa légitimité. Donc ainsi, si nous avons choisi de traiter de ces trois noms et de ce qu'ils signifient quant au statut de la raison dialectique, c'est pour mettre en avant un moment singulier de l'histoire de la théorie au XXe siècle. Alors que s'élaborait au cours des années 60 une déconstruction radicale de la rationalité dialectique dans l'orbite du structuralisme et du post-structuralisme alors naissant, l'entreprise de nos trois auteurs arrivée à maturité à cette période, pouvant à contrario être définie comme une réflexion sur et une tentative de sauvetage de cette rationalité dialectique, donc en fait c'est une perspective théorique à contre-temps, en décalage par rapport à ce qui se mettait en place du côté de Althusser, Foucault, Lyotard, Deleuze, etc. Donc cette perspective à contre-temps nous semble posséder aujourd'hui une actualité polémique étonnamment importante. Car ce que nous voulons défendre comme propos général possède une dimension éminemment politico-théorique. Une théorie de l'émancipation ne peut faire l'impasse sur la question de la dialectique ou comment une théorie de la libération s'articule avec une histoire critique de la rationalité. Nous voudrions donc proposer comme hypothèse de lecture celle d'envisager les œuvres de Sartre, Lukács et Adorno, par-delà leurs divergences bien réelles, comme trois tentatives post-hegeliennes de réélaboration de la rationalité dialectique. Il s'agira de montrer que ces perspectives théoriques renvoient à la nécessité de sauvegarder une rationalité dialectique, entendue, donc, comme je l'ai dit précédemment, comme rationalité émancipatrice. En effet, rétablir le contenu libérateur de la pensée dialectique face aux errements d'un marxisme dogmatique, face aux assauts de l'ontologie phénoménologique ou encore face à ceux de l'empirisme logico-positiviste semble caractériser et relier ces trois gros moments d'un marxisme ou d'un post-marxisme occidental. La phénoménologie théorique de la praxis sociale sartrienne, l'ontologie dialectique matérialiste de Lukács ainsi que l'utopie adornienne du non-identique constituent toutes à leur manière des critiques de la raison historique, tentatives de réponse aux événements du XXe siècle. Nous chercherons à montrer qu'un dialogue peut être entamé entre ces trois constructions conceptuelles qui permet aussi de révéler les points aveugles et surtout que celui-ci peut aider à poser les bases d'une rationalité dialectique à venir. Car il s'agit pour nous de penser, à travers cette constellation Sartre, Lukács, Adorno, une actualité de la théorie critique, celle d'une dialectique de l'aliénation et de l'émancipation. Précisons tout de même que cette constellation théorique est essentiellement une reconstruction a posteriori. Il ne s'agit en aucun cas de penser cette constellation comme un front théorique absolument homogène. En effet, donc là je vais montrer quelques exemples qui montrent qu'en fait c'est essentiellement un champ de tension, ces trois auteurs, plus que, enfin, voilà, qu'un front homogène. Donc Lukács fait figure dans la critique de la raison dialectique de grand adversaire, de frère ennemi. Sartre le présente dans Question de méthode comme l'un des représentants d'un marxisme dogmatique figé et stalinien. Rappelons à contrario la charge virulente de Lukács, existentialisme ou marxisme, dans laquelle l'existentialisme est assimilé peu ou prou à une forme d'idéologie réactionnaire. Lukács parle de troisième voie entre l'idéalisme et le matérialisme. Dans l'existentialisme, marxisme. Et d'autre part, rappelons que Lukács qualifie l'œuvre d'Adorno et la théorie critique en général de grand hôtel de l'abîme. Et Adorno lui répond dans un texte, une réconciliation extorquée, en déplorant l'abaissement de sa puissance de pensée manifestement inaltérée au niveau lamentable de la pensée soviétique qui a dégradé la philosophie en un simple instrument de domination. Enfin, et ça, à mon avis, c'est important, la réception tardive en France des travaux d'Adorno à l'école de Francfort, à l'exception de Marcuse, explique l'absence de dialogue effectif entre Sartre et la théorie critique. Ainsi, il paraît nécessaire de prendre la pleine mesure d'un champ de tension, donc comme je disais, qui n'a rien d'homogène et qui est essentiellement une reconstruction a posteriori, hein. Donc qui nous semble révélateur des enjeux soulevés par toute critique de la rationalité dialectique. Donc je le précise, il s'agit ici d'une hypothèse d'interprétation, hein, celle de lire conjointement Sartre, Lukács et Adorno, qui n'a rien d'évidente et qui pourrait même déranger certains exégètes ou disciples un peu zélés des trois auteurs. Donc dès lors, nous interrogerons ces trois auteurs selon une triple perspective. Tout d'abord, en montrant à partir du Lukács du 1923 la centralité de la notion de réification au sein de cette tradition dite du marxisme occidental, et aussi en ce que cette thématique de la réification, alors ça je l'aborderai assez rapidement, mais entretient un rapport de proximité et aussi de un rapport à la fois de proximité et de critique radicale avec les tentatives de ontologique et phénoménologique alors contemporaines. Et ça me paraît assez important, y compris pour comprendre dans quelle mesure Sartre s'inscrit dans cette cette lignée. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer que cette notion de réification implique l'idée d'une auto-réflexion de la rationalité dialectique, et donc ça j'explorerai essentiellement à travers la figure à la fois de Sartre, donc la critique de la raison dialectique, et celle d'Adorno, donc dialectique de la Aufklärung et jusqu'à dialectique négative, et enfin, un peu en guise de conclusion, que cette auto-réflexion de la rationalité dialectique ouvre sur une pensée de la rationalité dialectique comme rationalité émancipatrice. Donc je commence par mon premier point, qui est celle de la centralité de la notion de réification. Donc il paraît évident qu'une lecture conjointe de Sartre, Lukács et Adorno ne peut faire l'impasse sur la centralité de cette notion de réification. Donc élaboré par Lukács dans Histoire et conscience de classe, 1923, grand texte fondateur d'un marxisme néo-hégélien, ce concept bénéficiait d'une postérité assez remarquable dans le champ des pensées critiques. Reprise et radicalisation du concept marxien de fétichisme de la marchandise, cette conceptualisation aboutit à un paradigme novateur de représentation et d'interprétation de la totalité sociale. Donc l'idée de penser le capitalisme comme une forme de vie manquée, comme relevant d'une totalisation pathologique, conduisant à une déformation ou une mutilation des conditions d'existence et impliquant un diagnostic critique sur le déploiement historique de la rationalité, singularise véritablement cette branche de la pensée marxienne ou post-marxienne. Chez Lukács, une double source peut être opérée, et ça, j'aimerais bien un peu insister là-dessus. Donc, une première, bien évidemment, marxiste, dans la mesure où la réification doit être comprise comme l'extension de la forme marchandise à toutes les formes d'objectivité et de subjectivité correspondantes dans ce que Lukács appelle la société bourgeoise. Une autre, plus souterraine, mais à mon avis tout aussi fondamentale, et notamment dans l'exploration des liens de cette tradition avec l'ontologie phénoménologique, c'est celle de la culture critique weberienne-simmelienne. Donc je rappelle que Lukács vient de cette branche-là, hein. Donc, notamment, je rappelle les œuvres de jeunesse de Lukács, comme La théorie du roman ou L'âme et les formes, qui sont clairement des œuvres donc pré-marxistes d'influence weberienne-simmelienne, culture critique, hein. Et donc, et c'est à notre avis cette double influence qui explique une certaine proximité-distance donc avec les thématiques ontologico-existentielles. Donc notre propos ne sera évidemment pas de tenter un rapprochement arbitraire entre deux perspectives théoriques sur bien des aspects opposés et irréconciliables. Il s'agit surtout de souligner un horizon commun, celui du constat d'une crise de l'idéalisme traditionnel, d'une crise de la rationalité historique. On ne peut comprendre Lukács, Adorno et Sartre dans leur relation avec ces thématiques sans les rapporter à l'expérience traumatique de la Première Guerre mondiale, à celle des processus révolutionnaires et de leur reflux contre-révolutionnaire, et aussi à celle d'une modernisation technique capitaliste jugée brutale et destructrice. Pour l'exprimer autrement, la modernité est soumise à une critique radicale, et il faudrait donc approfondir l'hypothèse, et c'est ce qui intéresse particulièrement le propos, d'une notion de réification telle qu'elle est élaborée dans Histoire et conscience de classe, comme constituant une singulière et réussie synthèse de culture critique néo-romantique et de marxisme. Donc en effet, l'aspect le plus novateur du texte, à savoir la réélaboration de la thématique de l'aliénation par l'intermédiaire du concept de réification, donc, est caractéristique de cette articulation entre forme de vie, déploiement historique pathologique des types de rationalité. Dans l'essai intitulé « La réification et la conscience du prolétariat », Lukács souligne le principal apport de Marx à la compréhension de la totalité sociale, c'est-à-dire sa saisie unitaire à partir, ayant comme soubassement le concept de marchandises et de valeurs, tel que défini par Marx dans le livre 1 du Capital. Donc là, je vais citer un passage d'Histoire et conscience de classe. Donc, car à cette étape de l'évolution de l'humanité, il n'y a pas de problème qui ne renvoie en dernière analyse à cette question et dont la solution ne doit être cherchée dans la solution de l'énigme de la structure marchande. Le problème ne peut évidemment atteindre à cette généralité que lorsqu'il est posé avec la largeur et la profondeur qu'il atteint dans les analyses de Marx lui-même. Que lorsque le problème de la marchandise n'apparaît pas seulement comme un problème particulier, ni même comme le problème central de l'économie saisie comme une science particulière, mais comme le problème central structurel de la société capitaliste dans toutes ses manifestations vitales. Car ce n'est que dans ce cas que l'on peut découvrir dans la structure du rapport marchand le prototype de toutes les formes, donc comme j'ai dit précédemment, d'objectivité et de toutes les formes correspondantes de subjectivité dans la société marchande, bourgeoise. Ainsi, la réification est à comprendre comme l'extension à la totalité sociale du modèle d'objectivité découlant de la marchandise. Un modèle d'objectivité qui est celui d'une réduction de toutes les sphères de la réalité au principe de l'échange marchand, processus d'abstraction du travail humain qui s'impose comme seconde nature. Donc un réductionnisme, celui d'une raison calculatrice, s'impose à la totalité du monde social. Le principe de la mécanisation et de la possibilité rationnelle de tout calculer doit embrasser l'ensemble des formes d'apparition de la vie. Donc toute la tradition occidentale est réinterprétée à cette lumière comme relevant d'un type de rationalité qui empêche le plein développement d'une vitalité existentielle. L'une des dimensions les plus remarquables d'Histoire et conscience de classe réside précisément dans la reconnaissance des antinomies de la pensée bourgeoise qui correspondent à l'incapacité pour l'idéalisme d'élaborer un concept d'expérience digne de ce nom. La réification est un phénomène qui s'étend à la totalité de l'être, l'architecture conceptuelle qui en découle est par conséquent soumise à ce processus de nivellement quantificateur, empêchant par là la saisie d'une vie ou d'une existence non aliénée. Je rappelle au passage assez rapidement les tentatives de rapprochement entre Lukács et Heidegger qui ont été effectuées par certains interprètes, notamment Lucien Goldman dans un livre Lukács et Heidegger, bon, qui sont, à mon avis, moyennement convaincantes, mais qui montrent que, quand même, il y a une certaine. Enfin, il y a, à partir de cette notion de réification, dès le début, une certaine proximité entre les thématiques de la phénoménologie, telle qu'elle a été redéployée par Heidegger, et donc celle de cette exploration des formes de vie pathologiques, etc., celle-là engagée par Lukács. Donc, dans cette perspective, Sartre et Adorno occupent des positions clés. Donc, Adorno, tout d'abord, pour lequel la forme marchandise constitue le soubassement de son herméneutique matérialiste et dialectique de la totalité sociale. Et ce, depuis ses textes de Genèse comme l'actualité de la philosophie, jusqu'aux élaborations les plus tardives que sont dialectique négative et la théorie esthétique, un dialogue critique entamé avec son livre sur Kierkegaard, poursuivi avec ses travaux critiques sur Husserl, la métacritique, et bien évidemment par ses attaques sans concession à l'encontre de Heidegger et de l'ontologie. Hostilité qui l'éloignera, la petite aparté, d'un Lukács pour qui l'ontologie constituera dans sa grande œuvre de maturité, l'ontologie de l'être social, l'expression philosophique achevée d'un marxisme correctement appréhendé et compris. Pour ce qui est de Sartre, son parcours théorique, donc de l'être et le néant et la critique de la raison dialectique, nous semble pouvoir être appréhendé comme une confrontation continuée entre d'une part une thématique de l'aliénation envisagée dans cette dimension existentielle et phénoménologique, et d'autre part une volonté de penser le phénomène de l'aliénation ou la réification dans le cadre d'une théorie dialectique de la praxis sociale. Donc là je renvoie par exemple au développement d'Alexis sur les groupes, aux fusions, la dynamique des groupes qui vise un dépassement, une dissolution du pratico-inerte, etc., etc., donc dans la critique de la raison dialectique. Dès lors, le concept de l'articulation, donc oui, voilà, donc la dialectique de sérialité, groupe en fusion, centrale, c'est Sartre dans la critique de la raison dialectique. Voilà, excusez-moi, j'étais pas. Bon. Donc l'articulation réification thématique ontologico-existentielle que nous n'avons fait qu'évoquer brièvement ici implique de définir plus précisément ce qu'un marxisme dit occidental entend par rationalité dialectique. En effet, si comme l'hypothèse de lecture que nous proposons semble suggérer, il s'agit toujours de penser la vie dans son caractère fondamentalement défiguré et aliéné, à distance mais aussi dans une certaine proximité problématique avec toutes les options donc phénoménologico, etc., existentielles, alors il faut impérativement affronter le problème du déploiement historique de la totalité sociale. Donc c'est-à-dire la question d'une rationalité historique et dialectique, donc ce que j'ai appelé une auto-réflexion de la rationalité dialectique. Donc ça c'est le deuxième temps de mon exposé, donc auto-réflexion de la rationalité dialectique. Donc les trois grands massifs théoriques que nous proposons ici de relire envoient chacun à leur manière à une profonde réflexion sur le statut de la rationalité donc dialectique. Celle-ci semble être la voie la plus pertinente pour penser la totalisation, que ce soit dans son caractère problématique comme chez Adorno ou plus frontalement effectif comme chez Sartre ou Lukács. Il s'agit toujours pour nos trois auteurs d'engager une réflexion sur les notions de totalité, de médiation, de négativité. C'est essentiellement à Sartre et Adorno que je ferai référence ici, en ce qu'ils mettent au premier plan de leur projet théorique respectif la question de l'autoréflexion de la rationalité dialectique. Lukács aussi, même s'il insiste plus sur la thématique d'une ontologie de l'être social que sur une réflexion proprement, sur une réflexion sur la dialectique. Penchons-nous d'abord sur ce que Sartre entend par critique de la raison dialectique. Donc c'est évidemment la première partie de la CRD, question de méthode, que revient le rôle d'examiner dans ses fondements cette rationalité dialectique. Sartre oppose une dialectique dogmatique à une dialectique critique, véritable clé d'un marxisme philosophiquement arrivé à maturité. Dans le développement d'une rare densité, Sartre expose les linéaments d'une totalisation historique qui serait arrivée à sa pleine puissance. C'est à l'hégélianisme et sa continuation marxienne que revient le rôle de penser d'une manière conséquente l'histoire. Cette totalisation de totalisation singulière doit être entendue comme un effort d'unification toujours en cours, comme un processus, comme un auto-déploiement d'une pratique historique autoconstituante. Mais loin de toute forme de théodicée dogmatique, l'appréhension sartrienne de l'histoire, en cela fidèle à une forme d'impératif ontologique critique, vise à questionner les sphères d'application de cette rationalité dialectique. Et donc il s'agit toujours d'un sauvetage, reconstruction du marxisme contre ses dégradations dogmatiques, qui sont représentées par le diamat et les... Voilà. À la différence d'une raison analytique qui serait instrumentation et domination du donné dans une position d'extériorité, Adorno et Horkheimer parlent de raison instrumentale, d'ailleurs, soit dit en passant. La raison dialectique trouve sa source authentique dans la praxis. Afin d'éviter de sombrer dans une forme de praxis dogmatique, qui, rappelons-le, l'ennemi principal de la critique de la raison dialectique, il s'agit de circonscrire avec la plus grande rigueur les champs de déploiement légitimes de cette praxis, de cette totalisation dialectique. Ainsi, il faut refuser toute réalité et effectivité d'une quelconque dialectique de la nature et insister sur l'autofondation praxiologique de la raison dialectique. Et en cela, nous retrouvons l'influence phénoménologico-existentielle de la pensée sartrienne, dans son lien avec une forme d'anthropologie structurale, c'est-à-dire au fondement de sa reconstruction du marxisme, c'est la praxis individuelle, évidemment. Donc c'est avant tout la praxis individuelle et sa continuation par une praxis des groupes, donc l'un des grands thèmes de la CRD, la dynamique des groupes en fusion, etc., que revient cette position fondatrice. Et nous retrouvons ici les thématiques de l'aliénation et réification évoquées précédemment. En effet, la praxis individuelle est pensée par Sartre comme fondamentalement marquée par l'hétéronomie. Sa dimension historique et émancipatrice réside dans son arrachement aux pratiques inertes ou à la pesanteur de la sérialité. Ainsi, ce que nous voulons souligner ici, c'est la dimension proprement fondationaliste de la rationalité dialectique. Elle ne vise rien de moins qu'à fonder et expliciter les modes d'auto-réalisation de l'histoire par l'intermédiaire de ce que Sartre appelle une méthode régressive progressive, la seule à même d'articuler singularité et totalité. Et dans cette perspective, la notion clé est celle de totalisation, c'est-à-dire la constitution d'un schéma d'intelligibilité unitaire. Rappelons aussi que cette totalisation renvoie à une anthropologie structurale, véritable signification d'une rationalité dialectique. Le mouvement de totalisation doit venir éclairer et unifier les différentes fondations-médiations donnant sens à la praxis humaine. Donc pour ce qui est d'Adorno, il paraît évident au premier abord que sa relation à la notion de rationalité, de rationalité dialectique, paraît beaucoup plus problématique. Et donc là, il y a à mon avis un vrai champ de tension qui est à mon avis fructueux dans une confrontation Adorno-Sartre. En effet, une de ses œuvres les plus connues et les plus emblématiques, la dialectique de la raison, donc coécrite avec Horkheimer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce texte porte un diagnostic critique d'ensemble sur la rationalité occidentale. Celui d'une rationalité en excès sur elle-même qui en viendrait à s'autodétruire et dont la manifestation historique la plus symptomatique serait à Auschwitz. Donc il y a évidemment là une reprise et une extension radicalisation, qui à mon avis est problématique, mais qui est comme au fondement de la perspective adornienne, de la thématique lukéchienne de la réification, mais ici sous la forme d'une pathogenèse de la rationalité qui se manifeste chez Adorno comme rationalité instrumentale. Donc c'est au fameux chapitre de la dialectique de la raison, le chapitre qui s'appelle le concept d'Aufklärung, qu'il revient d'examiner radicalement ces promesses non tenues de la modernité. Celle d'une rationalité appréhendée comme cette théodicée progressiste, donc un grand mouvement qui irait de Kant à Marx, et qui ne peut plus résister au démenti cinglant que le XXe siècle lui a apporté. Donc le projet de nos deux auteurs est donc sans ambiguïté ici, mener une autocritique de la raison historique. Le terme autocritique a évidemment ici son importance, car loin de se réduire à une critique irrationaliste de type post-Nietzschéen ou heideggerienne par exemple, elle accepte la dynamique originelle de la modernité. Il ne s'agit donc pas de rejeter en bloc la rationalité classique, mais plutôt d'en interroger le développement afin d'en sauver le noyau véritablement émancipateur. Ainsi, comprendre les phénomènes de la domination et de la réification à partir de la dialectique de la raison qui est celle de son autodestruction. Donc ce concept d'autodestruction de la raison est au cœur de la théorie critique et permet d'en comprendre toute la portée. Donc les processus de domination, de réification, etc. doivent être apportés à une logique interne de la Aufklärung. Il faut en repenser les termes, les soumettre à un questionnement radical, le passage d'une utopie rationnelle à une histoire marquée par la catastrophe et la barbarie. Donc, et le tour de force d'Adorno et Horkheimer est de comprendre cette évolution pathogène comme constitutive du processus de la modernité lui-même. La Weltgeschichte hegelienne, comme totalité téléologiquement orientée, est critiquée radicalement, remise en cause. Le tout-déploiement de la raison est envisagé comme constitution d'une raison instrumentale qui ne viserait que l'appropriation arbitraire et brutale de l'objet. Adorno parlera plus tard à ce propos d'une violence faite au non-identique, et qui serait la matrice de la domination, donc une raison calculatrice, technicienne, qui n'est que le logos de la bureaucratie et de la société totalement administrée. Donc à partir de ce diagnostic critique implacable, Adorno s'engage dans l'élaboration de ce qu'il appelle un concept renouvelé dialectique, qui serait celui d'une dialectique négative, c'est-à-dire d'une dialectique attentive au non-identique, à ce qui réside à la totalisation arbitraire de la rationalité instrumentale. En d'autres termes, une dialectique qui refuse la synthèse, la négation de la négation, ce soi-disant moteur du processus de totalisation, pour s'en tenir au moment négatif, ce lieu de ce qu'Adorno appelle l'utopie de la connaissance. Adorno nomme cette utopie rationalité mimétique. Nous saisissons là une tension entre donc ces deux formes d'autoréflexion de la raison dialectique que j'ai présentée, donc celle de Sartre et celle de Adorno. Nous avons d'un côté la reconnaissance de la totalisation comme moment fondamental d'une rationalité dialectique arrivée à sa pleine conscience de soi, donc ça c'est Sartre. De l'autre, Adorno, pour qui le tout est le non vrai, donc la tension avec Sartre qui quand même met en avant une pensée des totalisations, etc., et Adorno qui insiste quand même précisément sur la critique de la catégorie de totalité, même si il ne l'abandonne pas, et c'est ça qui est intéressant dans son œuvre. Donc Adorno, pour qui le tout est le non-vrai, pour qui la dialectique, dans sa version classiquement hegelienne, est synonyme de domination et de pratique réifiée. Donc cependant, et c'est là-dessus que je voudrais insister dans un troisième temps qui sera... j'ai peut-être été un peu vite. Bon, il me reste combien de temps, en fait ? 15. Ouais, bon, en fait, j'ai été trop vite. Je vais vous dire que vous alliez sans doute trop vite, oui. Ouais. Bon, bah du coup, je vais faire un troisième temps qui sera ma conclusion, désolé. Donc précisément, donc, en quoi cette autoréflexion de la rationalité dialectique ouvre sur la thématique de la rationalité émancipatrice. Donc, que ce soit dans une utopie de la connaissance, dans l'hypothèse d'un tout autre, avec un concept de non-identique qui renvoie à ce qui vient perturber, subvertir l'implacable logique des conditions actuelles de production de la totalité sociale, Adorno déploie un procès dialectique profondément et structurellement modifié, mais qui maintient toujours vivante la perspective émancipatrice. Donc, chez lui, la critique de la rationalité est une entreprise de sauvetage, que ce soit dans un sens politique, donc assez problématique, il faut le dire, ou alors plus subtilement esthético-théologique. Donc là, il y a évidemment toute une thématique de la rédemption assez présente dans son œuvre. Donc, chez Sartre, et c'est bien évidemment dans son exploration de la dynamique des groupes, dans la constitution de ces collectifs qui viennent rompre la sérialité, que nous trouvons l'exploration la plus profonde de la lésion dialectique rationalité émancipatrice. Là, par exemple, toute sa reconstruction l'exemple qu'il donne de la prise de la Bastille, par exemple, est à mon avis à ce titre un exemple tout à fait évocateur. L'émancipation pochette chez lui un chaîne d'intelligibilité, celui d'un processus émancipateur comme totalisation. Enfin, Lukács, pour qui c'est très précisément le prolétariat dans Histoire et conscience de classe qui doit incarner cette subjectivité dialectique authentiquement émancipatrice. Il évoluera grandement par rapport à cette conception originaire que l'on pourrait qualifier de léninisme spéculative vers une réflexion sur les catégories de l'être social, sur la fondation catégorale de cet être, mais sans rien lâcher sur la nécessaire sauvegarde d'un rationalisme dialectique. Bah oui, donc j'étais très rapide, je suis désolé. Non, mais on est malheureux pour vous, parce que vous avez... On va avoir plein de questions. Mais donc il y a du temps pour des questions. Stéphane. Je vais commencer et on va poursuivre une discussion qu'on a déjà eue avec Vincent. Vous utilisez de façon répétée et insistante la notion de rationalité émancipatrice, qui au fond n'est pas très caractéristique de ces auteurs, qui est une expression qui est plutôt vôtre que celle des auteurs. Alors évidemment, on comprend bien ce que ça veut dire et c'est très proche des intuitions fondatrices de la théorie critique. Je me demande simplement, qu'est-ce que c'est que cette rationalité émancipatrice ? Comment elle l'est ? Est-ce qu'elle l'est par ses méthodes, par ses objets, par ses finalités, la prise de conscience, l'accélération de la prise de conscience révolutionnaire ? Est-ce qu'elle est substantiellement différente de la rationalité non émancipatrice ? Alors, celle des sciences, de la philosophie, et on retombe sur des objections à la Raymond Aron. Qu'est-ce que c'est que cette raison dialectique à la Sartre, qui serait différente de la raison analytique ? Enfin, voilà, ce concept est difficile. D'une part, il n'est pas utilisé de façon récurrente par les auteurs que vous citez. Qu'est-ce qui justifie au fond de refondre, parce que c'est comme ça que je reprends votre projet, qu'est-ce qui justifie de refondre l'idée de théorie critique, qui est vraiment le syntagme de base, dans l'idée beaucoup plus ambitieuse et, je dirais, à mon sens, en termes plus risquée, d'une rationalité émancipatrice, directement tournée vers la pratique, vers le politique. qu'est-ce que justifie cette conversion, à mon sens, risquée d'un syntagme neutre, au, comment dire, à la saveur kantienne incontournable, hein, théorie critique, à une notion plus radicale, plus risquée, plus autonomiste, d'une rationalité émancipatrice supposée sui generis. Enfin, voilà la question à la fois historique et conceptuelle. Moi, l'idée de rationalité émancipatrice, c'est dans l'idée d'autoréflexion de la rationalité dialectique que je l'entends, c'est-à-dire qu'une forme de rationalité qui arrive à la pleine conscience de ses tâches historiques, en gros. Enfin, en tout cas, et donc, après, par évidemment la médiation d'une forme de praxis politique. Donc, je pense que c'est une notion qui est quand même présente chez ces auteurs. Alors, elle n'est pas thématisée telle quelle, je suis d'accord, et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que je disais au début, hein, en disant que c'est une hypothèse de lecture a posteriori, etc. Donc, votre réponse à Stéphane, c'est ce que vous appelez rationalité émancipatrice, c'est n'importe quelle rationalité à partir du moment où elle trouve son télos à travers l'autoréflexion. Ai-je bien entendu ? Ça serait ça, oui. Merci à vous deux. Est-ce que c'est pas un peu large ? Voilà. Il y a des prises de conscience qui ne sont pas nécessairement émancipatrices. Il y a de la critique qui n'est pas tournée vers la praxis. Oui, alors après, il y a en effet, toute une articulation avec la praxis qu'il faudrait faire, et j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, oui, mais je pense que c'est déjà un moment essentiel, à mon avis, quoi. En tout cas, est-ce que ce n'est pas un concept habermasien ? C'est vrai qu'il y a quelque chose de très marcusien, habermasien. L'idée d'importer massivement le concept d'émancipation pour surzumer le concept de critique, c'est typique du Habermas des années 60, enfin, héritant de Marcuse. Et je me demande si, du coup, ça ne tire pas l'ensemble de la tradition que vous reprenez dans un sens assez particulier. Quoi. Activiste au sens des années 60, pour le dire clairement. Déjà étranger à Adorno, enfin, On va engager un nouvel échange avec Claire. Mais qui prolonge un peu ce que vous disiez. J'ai deux petites objections. Une première objection qui est adornienne, où je ne crois pas qu'on puisse faire ce passage de rationalité critique à rationalité émancipatrice pour Adorno, parce que j'ai l'impression que sa critique de la raison, qui est une critique de la Aufklärung, c'est une critique des projets d'émancipation, des philosophies de l'histoire, et il y a le double sens quand même dans le texte allemand d'Adorno Horkheimer. C'est à la fois une critique de la raison qui s'est voulue émancipatrice, et là je crois quand même chez Adorno il y a plein de textes qui rendent cette terminologie-là vraiment problématique. Peut-être que c'est ma première objection, donc je ne serais pas d'accord avec ce passage-là de la critique à l'émancipation pour Adorno. Et peut-être la deuxième, elle est plus extérieure et elle concerne le point de départ où tu as dit finalement pour notre intérêt pour la philosophie sociale et la théorie sociale, on va faire ce partage entre Lukács, Sartre, Adorno qui se sont intéressés à cette dialectique et rationalité émancipatrice, et puis de l'autre côté on a Foucault, Lyotard, Deleuze, etc. Et moi je pense qu'on a trop vite fait de croire que alors c'est pas des questions de rationalité, mais il y a des grandes pensées de l'émancipation là, et ce qui est intéressant c'est que des pensées de l'émancipation, il y a des critiques de l'aliénation, mais qui gardent le concept d'émancipation. Chez Derrida, chez le dernier Derrida, c'est très net, il dit « il n'y a rien de moins démodé que le concept d'émancipation », et évidemment chez Rancière. Alors peut-être le partage, alors là ce ne sera pas rationalité émancipatrice, il faudrait, mais voilà, peut-être il y a quelque chose quand même. J'ai pas bien compris la deuxième, quel est le partage qui est pas bon ? Et bah, au départ on avait l'impression qu'on allait aller chercher une pensée de l'émancipation juste dans un champ de théorie critique, comme si ça pouvait jamais être un problème de la philosophie française contemporaine. D'accord, l'émancipation n'appartient pas à ces Allemands, elle est aussi chez les Français, c'est ça la thèse. Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. Et là, l'objection adornienne, parce qu'il y a une filiation adornienne de ces Français. De ces Français-là, sur cette pensée-là de l'émancipation. Ok, maintenant j'ai compris, donc vous aussi normalement. Oui, tout à fait. Donc je vais commencer par répondre à la deuxième déjà, ouais. Et puis oui, alors moi je voulais pas opposer, enfin c'était pour poser un débat, mais évidemment je l'opposais pas frontalement, et je suis bien d'accord qu'il y a une pensée de l'émancipation chez Rancière et Derrida par exemple, hein, donc c'était pas mon... mais par contre ce que je voulais montrer, c'est que cette pensée-là, c'est pas une pensée dialectique de l'émancipation. Ouais, c'est, voilà, c'était juste okay, là-dessus. Hein, c'était, j'étais pas aussi frontal, j'étais pas aussi bêtement. Enfin, voilà. Alors, pourquoi il faut qu'elle soit dialectique ? Alors, bah, on peut revenir juste ce que tu disais sur Adorno justement avant, parce que alors, quand tu dis qu'il y a une condamnation d'ensemble des perspectives émancipatrices dans la dialectique de la raison et moi je suis pas fondamentalement d'accord et j'essaie de montrer le contraire de ce que je fais par ailleurs c'est que précisément c'est une autocritique donc précisément le concept d'autocritique il vise il y a une dimension de sauvetage enfin voilà c'est-à-dire qu'on ne peut que constater l'échec et la défaite mais ça n'implique pas de jeter le bébé avec l'eau du bain pour le dire un peu vulgairement c'est-à-dire qu'il y a quand même dans la dimension d'autocritique de la Aufklärung d'autoréflexion de tout ça il y a l'idée de maintenir quand même la perspective enfin c'est assez clair même dans les textes les plus radicalement critiques par rapport à ça on maintient le projet originel de la Aufklärung même si on reconnaît qu'il a une tendance à l'autodestruction enfin voilà c'est qu'il y a donc ça me paraît pas voilà et oui, enfin voilà. Écoute de la dialectique, parce que moi aussi je trouvais que dans l'amorce de votre exposé, on avait l'impression que ce que vous vouliez décrire, c'était trois tentatives d'assumer la dialectique avec ses difficultés, et puis ensuite dans l'exposé, j'avais l'impression qu'il n'était plus tellement question de la dialectique elle-même, que c'était, vous n'en parliez au fond pas très directement. C'est peut-être que j'ai mal entendu. Oui, enfin, peut-être que je me suis mal. Enfin, pourtant, c'est ce que je voulais faire. Enfin, c'est de dire qu'il y avait une défense. Chaque auteur, à sa manière, et même s'il y avait un champ de tension, assumait la position dialectique classique hegelienne, tout en la redéployant, tout en évidemment. Bon, voilà. Il y a évidemment tout un monde entre Lukács et Adorno, entre Lukács et Sartre, entre Sartre et Adorno. Mais je pense qu'il y a un terreau commun qui est quand même d'assumer une filiation hegelienne ou post-hegelienne, quoi. Et voilà. qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui, pour vous, dans cette idée de rationalité émancipatrice, est essentiellement emprunté à la dialectique ? Eh ben, chez les trois ou chez vous, enfin. Bah alors une pensée à chaque fois de la totalité sociale, enfin de oui, voilà, c'est ça, une pensée de la totalité sociale comme auto-mouvement, comme auto-position, comme. C'est l'idée que l'émancipation, elle ne peut qu'elle. C'est toujours votre idée du lien avec l'autoréflexion. Oui, il n'y a pas d'émancipation si on n'a pas d'abord assumé le tout en tant que tel dans son processus, c'est ça ? Oui, en tout cas d'assumer la compréhension de la totalité. Pour oui, voilà, enfin, c'est ça. En tout et cas, donc c'est à ça que Adorno est une sorte d'exception quand même, d'après même ce que vous dites, quand même. Comment ça ? Ben, parce que vous n'avez pas dégagé l'idée que il y avait la pensée que la totalité n'était pas un moment bon en tant que tel chez Adorno. Oui, mais il y a quand même l'idée de la catégorie de la totalité chez Adorno, parce qu'il parle de totalité fausse. Par exemple, ça, c'est une catégorie qui revient assez souvent dans son œuvre. Donc, en fait, il assume quand même cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une pensée de la totalité, simplement... Il y aurait une bonne totalité. Ça serait... Enfin, en tout cas... Je ne sais pas. Moi, je pense, oui. J'ai rien lu, donc... D'accord. Je pense qu'il y a dans ce qu'il appelle l'utopie de la connaissance et la rationalité mimétique, notamment ça c'est dans la théorie de l'esthétique, qu'à la rigueur, l'œuvre d'art, enfin en tout cas telle qu'il le définit par ma théorie esthétique, l'œuvre d'art d'avant-garde pourrait être cette bonne totalité. Alors lui il emploie plutôt le mot de, je sais pas, de monade ou de constellation, mais enfin ça me paraît pas hyper éloigné quoi. Et c'est quelque chose dans ce quoi se recueille la totalité du processus social, l'œuvre d'art au sens de Adorno ? Il y a une réflexion de cette totalité, oui, bien sûr, oui. Ok. No other question. C'est la même question, mais en interrogeant la notion de dialectique émancipatrice, plutôt que rationalité émancipatrice. Parce qu'à ce moment-là, chacun des auteurs a sa position. La dialectique émancipatrice chez Lukács, c'est l'histoire, qui est un processus, qui est pas une totalité. La dialectique émancipatrice chez Sartre, c'est plutôt la praxis, dans les termes sartriens, c'est plutôt la praxis, le constatant. C'est aussi un processus, c'est pas une totalité. Et chez Adorno, c'est le chaînon faible. Il n'y a pas de dialectique émancipatrice, à part l'envol dans l'imaginaire de l'esthétique, au sens de ça. Donc c'est comment vous avez calé le problème qui est un peu incertain. Vous préférez dialectique émancipatrice à creuser, à définir, ou rationalité émancipatrice ? Je ne les oppose pas forcément, je sais. Dans la dialectique émancipatrice, de Sartre et de Lukács, l'émancipation est un processus. C'est un sujet un collectif qui se mêle dans une histoire, qui cherche les différents chemins possibles. Rationalité émancipatrice, ça suppose que la dialectique soit pacifiée, chosifiée, totalisée, systématisée. Et à ce moment-là, vous avez une raison argumentative et délibérative qui vous fait l'émancipation, je le simplifie. Donc, à part masse délibérante. Mais c'est pas plus d'avoir pacifié les dialectiques. Non, dans ce cas-là, c'est plus la perspective d'une dialectique émancipatrice, on sait très, très clairement. Mais... Et en effet, Adorno, là-dedans, a une position problématique, c'est clair. Mais en fait, la rationalité émancipatrice, pour lui, est une rationalité dialectique. Justement, si j'ai bien compris. À ce moment-là, ce serait le moteur de l'émancipation ou le résultat ? Je pense que les deux se saisissent dans le même mouvement. Enfin, je ne sais pas si... Mais c'est le cas, c'est des rationalités qui... La dialectique, c'est des rationalités qui se rencontrent, qui se frottent, qui saluent les unes les autres. Donc, c'est pas tenable pour le clash. Oui. Moi, je me demandais si ton idée d'une rationalité émancipatrice, dans la mesure où tu semblais dire aussi, en réponse aux questions, qu'il aurait fallu l'articuler plus avec la praxis, telle que l'entend Sartre, elle ne trouvait pas justement à s'incarner dans l'exemple que prenait Alexis du serment. Le serment, c'est ce moment de réflexivité du groupe, où il se contrôle lui-même et où il assure son maintien, non seulement pour ne pas rester un pur groupe émeutier, et aussi pour ne pas retomber directement dans la sérénité. Dans la mesure où c'est un moment de réflexivité du groupe sur lui-même, peut-être que là, l'idée de rationalité émancipatrice, elle trouvera à s'incarner dans un exemple pratique, plus, je sais pas, peut-être plus ancré dans le réel social, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, la deuxième question, enfin, c'était une remarque qui vaut ce qu'elle vaut, et la deuxième question, c'était, est-ce que la rationalité émancipatrice, paradoxalement, elle menait pas aussi à relativiser un peu l'opposition que tu as pu faire entre Lukács, Adorno, Sartre et Heidegger, par exemple, parce que ce moment où, par le serment, le groupe s'atteste de lui-même comme groupe émancipateur pour persévérer en tant que groupe politique révolutionnaire, ça ressemble un petit peu à l'authenticité chez Heidegger, ou alors à la résolution, où on décide clairement qu'on est un groupe révolutionnaire et comment on va pouvoir le rester, bah, en s'imposant aux uns les autres, de rester un groupe révolutionnaire ou alors de se soumettre au jugement du groupe en tant que groupe dans la terreur. Donc, premièrement, je pense, là, peut-être qu'il y a chez Sartre un moyen de fonder de la rationalité émancipatrice, mais en même temps, peut-être qu'il le rapprocherait plus de son pôle phénoménologique que de son pôle dialectique. Mais bon, c'est peut-être aussi des oppositions un peu scolastiques, j'en sais rien. Oui. Demander ce que tu pensais de ça. Bah, en fait, il me semble avoir dit que quand même, dans la thématisation Lukácsienne de la réification, l'opposition, la tension avec précisément les thématiques heideggeriennes, elle n'est pas si nette que ça. Enfin, il ne s'agit pas de les assimiler, mais il ne s'agit pas non plus de les opposer frontalement, et notamment la thématique de l'inauthenticité, etc., c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'évoquais au passage les textes de Lucien Goldman sur Lukács Heidegger, quoi, où lui, précisément, il tente absolument de les lier, donc c'est là où, des fois, c'est un peu... Voilà, mais il y a l'idée d'un horizon commun, on va dire. Mais est-ce que, alors, de ta lecture de ça, est-ce que tu penses que c'est peut-être un tiers